要要记要记字儿了，调调调色子。Une représentation visuelle. Ouais. Putain, j'ai toujours à Ben, c'est bah, tu m'étonnes. Là, c'est pas les plus faciles à jouer ou... J'ai des cordes extra. Ah ouais, c'est vrai. Extra souple dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a pété. Ouais. C'est pas grave, je vais passer par le magasin de cordes. Hein. Thank you. Thank you. C'est très... Ouais, ça donne envie de dormir. Ouais. C'est trop bien. J'ai découvert cet effet il y a pas longtemps. On laisse, c'est de la balle. C'est vraiment pas mal. C'est du coup le vibrato avec un petit peu de délai, de, enfin, un genre, une sorte d'écho plexe un peu. Genre. Ok, tu mets le écho après le délai. C'est très éthéré comme ça. Ouais, le délai il est après tout sauf le délai là quoi. Une bonne saucisse de barbecue. Ah oui, la qui grille là. Non, de quoi? Le bout de ses doigts avec les cordes. Je disais, ça fait comme des saucisses sur le barbecue. Moi? Ah, toi? Ok, d'accord. Bah ouais, vas-y. T'essayes de faire un... Hein? Non, rien. Quoi? C'est le solo de Nick Jonas. C'est quoi? Je te retrouverai ça. Putain, je suis trop dingue pour la guitare. Je suis dans mon truc qui glisse. Je fais ça. Ça va. Là, je fais plus de guitare que d'habitude. T'essayes de te remettre au niveau où tu arrivais quand tu avais 18 piges. Ou même 17, hein, j'ai pas le même niveau. Ah ouais? À ce point-là? Musicalement, je suis meilleur, mais techniquement, je faisais de la guitare. Au moins 8 heures par jour. Je pourrais essayer avec l'effet que t'avais tout à l'heure. Hein? Je pourrais essayer après avec l'effet que t'avais tout à l'heure. Ouais, carrément. Le truc qui était très important. Yes.